plus à ton mal, c'est pas ta veine. Sous le coucher de soleil de ma lampe halogène. Et puis le bruit des vagues folles sorties droit de ma chaîne. Je me rappelle le temps où nous étions amis. Dans un départ de fou, heureusement, c'est fini. Fallait bien qu'un troubadour mette tout ça en chanson. Mal écrite que nous seuls comprendrons. Ces trucs qu'on se rappellera quand on sera grand et froid. Une chanson sur l'INSA, enfin, je crois. Sous le coucher de soleil de ma lampe halogène. Et puis le bruit des vagues folles sorties droit de ma chaîne. Rappelle le temps où nous étions amis. Dans un départ de fou, heureusement, c'est fini. Des gens bizarres comme tout qui hantaient nos couloirs. Compréhensible fou, habitant ma mémoire. Je vous donnerai bien rendez-vous dans 10 ans, les gars. Mais on se reverra bien avant, ou bien peut-être pas. Sous le coucher de soleil de ma lampe halogène. Et puis le bruit des vagues folles sorties droit de ma chaîne. Rappelez-vous le temps où nous étions amis. Dans un départ de fou et tout ça, c'est fini. La la la la.